forcément avoir recours à l'autorité, s'inspirer de l'éducation finlandaise, plus d'activités pratiques et moins de théorie, activités ludiques, rapport enseignant-élève basé sur le respect plus que l'autorité, inspiration des écoles Freinet et Montessori, méthode Steiner. Définir et travailler sur l'autorité et l'évaluation, on ne peut rien régler avec le système autoritaire. Mettre en avant plusieurs méthodes d'enseignement, développer l'imaginaire de l'enfant en mettant en avant la création et pas seulement l'acquisition de connaissances, expérimentation des émotions, du sens, favoriser l'expérience, pousser les enfants à se mettre à la place de l'autre. Enseigner, c'est tenir compte des particularités, le rapport aux autres, l'amour, la peur. Que tout le corps de l'enseignement, élèves, cantine, famille, aide, prof, prenne part de façon démocratique à l'élaboration des projets et programmes. Accès à l'éducation, accès gratuit à l'éducation pour tous et pour toutes. Mettre en place un système éducatif neutre, avec plus de philosophie, de critique des connaissances, liberté de pensée, d'expression, où tous les sujets peuvent être abordés à la demande des élèves, intégrer l'éducation sexuelle des adolescents, adolescentes. Apprendre à se connaître en favorisant les rencontres et les déplacements territoriaux pour trouver sa place dans la société. Échanger et apprendre sur les différences entre les élèves et les cultures. Que les familles puissent s'investir au sein des écoles dans l'éducation des enfants, créer des lieux de discussion sur l'éducation des parents et les échanges d'expériences, réflexion de vie, partage des savoirs, remettre en avant le fait que les parents sont au centre de l'éducation des enfants. Voilà. Merci beaucoup. Alors, j'ouvre le débat, j'ouvre la discussion. On commence, on fait quoi? Quelqu'un a quelque chose à dire sur ce qu'il a entendu? Oui. Allez, c'est parti. Merci. Oui, donc par rapport à ce thème des enfants, comme ça a été dit tout à l'heure, je pense qu'on s'en est aperçu, c'est un peu le... Alors c'est un peu beaucoup de responsabilités à leur mettre sur leurs épaules aux enfants. Il faut pas oublier non plus que... Il faut les laisser grandir, mais c'est peut-être effectivement la base de beaucoup de choses. Enfin, en tout cas, moi, dans la société idéale, par rapport au système éducatif actuel, je recommencerai tout, en fait. Et je lance une idée comme ça. Oui, je suis pas sûr que ça aide. Si, ok. Vas-y, parle. Donc, du coup, en fait... On se disait dans notre discussion, forcément c'est un petit peu à l'enfant de choisir vers, entre guillemets, vers quelle direction il veut aller, qu'est-ce qu'il veut faire, etc. etc. Et au lieu de faire des classes par année finalement, même si apparemment maintenant le droit de redoubler, je sais pas s'ils l'ont mis en place, ils l'auraient mis en place, enfin bref, je sais pas trop. Mais du coup, qu'il y aurait une période comme ça, un petit peu free au départ, où justement les enfants peuvent se chercher, peuvent faire différentes activités et puissent prendre le temps de connaître, de voir tout un tas d'activités et à la fin de qu'il faudra définir du coup de cette période. Alors ça peut être un an entre guillemets, un petit peu en freelance, et au bout d'un an, dire voilà, toi, vers quoi tu veux aller. Et complètement déconstruire ce système de première, seconde, sixième, troisième, quatrième, enfin j'ai dit dans le désordre, mais ça serait un truc un petit peu comme ça, voilà, pour lancer une idée comme ça dans la société idéale. Ah, c'est pour réagir sur ce que tu dis, parce qu'il me semble qu'il y a un risque là-dedans, j'avais pas pensé quand on en avait parlé justement de faire des classes par niveau et non par âge, le risque ce serait que... Tous les élèves qui ont plus de difficultés, ils restent au même niveau, dans la même classe en fait pendant 10 ans. Alors le problème de par âge, c'est que ça impose de suivre un certain rythme, et en même temps, bon, il y a une certaine notion d'égalité, enfin l'égalité on en fait un peu ce qu'on veut, mais il y a une certaine notion d'égalité là-dedans qui fait que chacun en fait évolue un peu avec les autres. Le risque de faire des classes par niveau, ce qui est intéressant, c'est que déjà il y a plusieurs âges, donc ça c'est quand même pas mal pour l'enrichissement de chaque élève. Mais le risque, enfin je vois bien, après du coup forcément la politique dans la société idéale serait différente, parce que si on fait ça dans la politique actuelle, ah bah ça va très bien aller à plein de personnes, on va mettre dans les mauvais, dans certains niveaux tous ceux dont on veut pas, dont on ne veut pas tout court, et dans les meilleurs niveaux tous ceux qui ont plus d'argent, plus de potentiel, et finalement ce sera encore plus inégalitaire. Donc en fait il faut qu'il y ait en parallèle de ça, donc ce que tu as proposé d'une certaine façon, c'est-à-dire laisser le... que ce soit qu'il y ait aussi un moment de découverte des différentes activités, mais que ce soit pas non plus cloisonné. Il me semble que ça reste important que tous les élèves aient accès à toutes les connaissances. Et peut-être qu'il faut que ça passe par une phase d'obligation avant de faire le choix de vers quoi l'enfant veut aller. Peut-être qu'il faudrait quand même une certaine obligation d'avoir des bases, déjà une certaine base de connaissances. Donc je sais pas trop comment ça pourrait se mettre en place entre classe par âge, classe par niveau, accès à un minimum de connaissances, et enfin j'imagine que c'est tout à fait pour ça que c'est créé le brevet, tout ça, pour qu'il y ait un moment où au même âge tous les enfants aient à peu près un socle de connaissances commun. Donc ça me semble à développer comme question pour qu'on y voit un peu plus clair. J'embrouille les cartes en fait. Merci. Quelqu'un veut rebondir là-dessus sur donc sur les tu avais parlé de la question des classes de par niveau. Bon, je rappelle que on essaye en même temps qu'on se projette dans la société qu'on veut. La question c'est à partir de là où on est là, le système actuel scolaire, comment est-ce qu'on le fait évoluer vers quelque chose d'autre, ce à quoi on aspire. C'est-à-dire est-ce que on va je sais pas moi, est-ce qu'on va supprimer, on ferme tous les collèges, ou est-ce qu'on introduit des... Ah oui, tu veux intervenir là-dessus? Non, allez, viens, dis-nous un truc. Ça y est, oui, c'est bien, c'est énorme. Qu'est-ce qui est énorme? Fermer les collèges. Pourquoi fermer? Je sais pas, tu n'as pas vécu toi. On a le droit de dire les prénoms, on a le droit de dire les prénoms à Edu Pop. Oui, c'est ça, je l'ai appris récemment. Je veux dire, le jeune homme, mon ami. Oui, oui, en tout cas, toi qui parlais dans le micro juste avant moi, je parle pour l'enregistrement là. juste entre nous, vous n'avez pas vécu Napawa, c'est pour ça que je t'interpellais personnellement, mais c'est chacun d'entre nous. Qui n'a pas vécu l'école ou des certains moments de l'école comme des périodes soit carcérales, soit semi-carcérales, voire concentrationnaire comme dispositif d'organisation, mais c'est pas que l'école, puisque c'est du poulet en batterie jusqu'à l'école. Donc oui, moi j'hésite pas, je sais que personne va me suivre, donc j'ai aucun risque à être en pointe là-dessus, mais je ferme tout. Là, si c'est moi Mélenchon, j'arrive, c'est même pas moi président, c'est moi Mélenchon, paf, on ferme toutes les écoles. Oh là là, comment on va faire, je sais pas. Il a râlé Mélenchon sur les larcelles. Excusez-moi. Quelqu'un veut réagir, rebondir là-dessus? Je vous lis un autre truc, par exemple, il était écrit « Plutôt que seulement supprimer les notes, proposer un nouveau système d'évaluation. » Est-ce que vous pensez que, par exemple, changer le système d'évaluation, c'est quelque chose qui est pertinent pour... pour changer un peu le système, quoi. Est-ce que c'est un bon début? En fait, ça, ce que tu viens de dire, ça rejoint un peu ce qui a été dit précédemment sur, du coup, la classe à niveau. Pour moi, je le vois pas. Ouais, si on peut dire une classe, allez, parce qu'il faut mettre un mot sur cette chose-là. C'est très bête ce que je vais dire et très utopique, mais si à partir du moment où... alors certes, peut-être j'ai entendu qu'il y aurait peut-être une période avant de, en gros, les bases, apprendre à lire, à compter, à écrire une phrase avec sans employer des trucs de texto, SMS et des émoticônes. Ouais, sûrement, peut-être qu'il faudrait commencer peut-être par là. Je sais pas, mais est-ce que ça peut pas s'apprendre dans un autre... dans un autre cadre où Ou alors que ça soit dans un espèce de... une fois que tu as entre guillemets choisi ta voie, tu fais ce qui te plaît, mais aussi tu as la base. En fait, pourquoi faire la base avant et le truc après? Enfin, c'est des idées que je lance comme ça, mais c'est une réflexion en même temps que je parle. C'est un peu ce qu'on... je vais peut-être un peu déraper, mais dans les trucs un peu techniques, c'est un peu ce qui se passe quoi. Quand vous êtes dans une filière technique actuellement, il y a la filière technique et à côté, il y a un peu le reste. Ouh là là. C'est bizarre le... Ouais, c'est peut-être parce qu'elle est trop haute, je ne sais pas. Mais du coup, moi je connais en tout cas certaines filières techniques. Effectivement, il y avait un petit peu d'histoire, il y avait un petit peu de géo. Alors certes, c'était moins approfondi que d'autres matières, mais peu importe. Donc en fait, pour moi, finalement, si on choisit vraiment ce qu'on veut faire, est-ce qu'il y aurait de l'échec? Est-ce qu'il y aurait des classes, entre guillemets, des classes poubelles et des classes avec des élites? Je suis pas sûr. Et je me pose la question, si justement on change cette façon de faire, est-ce que c'est pas non plus pour éviter ces inégalités? Après, c'est une question que je pose, c'est pas une affirmation. Mais dans ces cas-là, justement, on mettrait moins les gens en échec, puisque on part du principe où ils feront ce qui leur plaît. Donc après, oui, on peut aimer quelque chose et finalement être en difficulté. Et donc là, il y a un accompagnement. Et dans ces cas-là, au lieu d'avoir des classes à plusieurs niveaux, ça serait pas. Enfin, pour moi, la notion de niveau, elle serait pas là. C'est plus, ça serait plus sur la solidarité, sur l'entraide. Et s'il y en a un qui est un petit peu bon dernier, parce qu'ils font un dernier à tout et malheureusement un premier. Alors moi, ces notions-là, déjà, je les gommerais, mais c'est naturel en fait. Mais après, si tu veux de mettre ces mots-là, moi, je les effacerai. Mais par nature, je pense qu'il y en a toujours un qui, forcément, va être un petit peu au-dessus, ou peut-être plusieurs d'ailleurs, et d'autres qui vont être un petit peu en dessous, parce que personne n'a les mêmes capacités, et c'est ça qui fait notre richesse. Et du coup, mais au lieu justement de mettre les gens en échec, de les aider, de les épauler, et quitte à faire des binômes, des trinômes, j'en sais rien, mais surtout pas. Enfin, en tout cas, c'est un truc que je lance. Hein. Après, des gens, vous n'êtes pas d'accord, et c'est tant mieux, et ça enrichit le débat. Surtout pas de faire des groupes de niveau. Pour moi, non, c'est incorporer tout le monde et aider tout le monde. Mais ça prend du temps. Et il faut que ça soit intégré, et ça peut être des bonnes valeurs pour après être dans une société idéale, avec des valeurs beaucoup plus solidaires. Et si les gens, on les met en pratique dès le plus jeune âge, après, derrière, je pense que c'est plus facile, et ça peut éviter des gens qui sont exclus, quoi. Enfin, je tire un peu le pot de cheveux qui me reste sur le crâne, mais c'est un peu ça. C'est bon. Tu voulais intervenir ? Merci, ça marche. Donc tu raisonnais à partir de la classe, de l'école avec une classe là tout à l'heure, non ? Un peu de... Oui, tu y allais à la masse, mais en même temps, tu gardais la classe. Et... Oui, non, voilà, donc moi, ma proposition, elle est simple, c'est même pas la mienne, hein, c'est vraiment c'est de l'information. Il existe des écoles aux États-Unis, et maintenant dans le monde entier, donc depuis plus de 70 ans. Alors, je me souviens plus le nom, c'est pas des écoles Fasbury, mais c'est un nom en Y, que je vous retrouverai, parce que c'est même important de le savoir, à mon avis. Et alors je vais vous décrire l'école, sachant qu'il y en a une qui a ouvert il y a un an et demi à Paris dans le 13e, qui s'appelle ici l'école dynamique, emmenée par Ramin Farangi, qui est beaucoup moins connu que Céline Alvarez. Qui connaît Céline Alvarez ici? Personne? C'est vrai? Alors vous imaginez Ramin Farangi, et pourtant c'est nos héros. Céline Alvarez, je pèse mes mots, c'est une Maria Montessori d'aujourd'hui, qui en plus qui a 30 ans, je sais pas quel âge, donc on peut la... Si on ne nous l'enlève pas trop tôt, on peut compter sur elle un moment. Il faut l'inviter évidemment à du debout et du pop partout. Et alors c'était une institutrice qui a fait une classe pilote à Aubervilliers ou à côté. Mais lui, Ramin Farangi, et je dis lui, c'est forcément un projet très collectif, mais il y a, comme tu disais tout à l'heure, il y a aussi des élèves qui sont très, très dynamiques. Et donc cette école, qui existe depuis plus de 80 ans aux États-Unis, je ne sais plus quel comté, et qu'il y a plus de 80 écoles qui fonctionnent sur le même principe dans le monde, dont celle-ci, C'est une école, je viens l'essentiel, c'est une école où l'élève n'est autorisé de rien, j'allais dire, pour interroger le lapsus là, mais qui est marrant. Mais en tout cas, ça me concerne moi, mais l'information objective, c'est que dans ces écoles-là, comme dans l'école Libre Enfant de Summerhill, sauf que Libre Enfant de Summerhill, c'est toujours l'exemple qu'on donne parce qu'il a un peu foiré, dans le genre liberté totale des enfants, alors que là, il y a des modèles où, donc il y a des films où on voit des gens qui ont 30 ans et qui disent j'étais à l'école ou 40 ans, j'étais à l'école comme ça, je me suis pas intéressé à écrire avant l'âge de 12 ans, je faisais que aller à la pêche, et puis il y a 12 ans ou à 13 ans ou à 15 ans, je me suis intéressé aux maths, et il y a des tas d'études qui montrent, sur les maths, qui montrent qu'il n'y a absolument a priori pas besoin de les apprendre très tôt, évidemment. Le cerveau étant en formation quand on est enfant, plus on commence les choses tôt, mieux on les fait, mais en vérité, c'est pas indispensable pour les maths et pour plein d'autres choses. Donc voilà, ça c'est une proposition simple pour la société dont on veut, des écoles non obligatoires. Et alors mieux que ça, j'ai eu des échanges Facebook ce mec, Ramin Faraghi, il a été parmi nous l'an dernier. Ici, là, j'ai été dans le même atelier que lui à un moment donné, par hasard. J'ai reconnu parce que pour moi, c'était quelqu'un que je suivais sur Internet. Il fait partie des gens qu'on a, je suppose, un peu dégoûté de revenir parce qu'il nous manque. Et donc ce Ramin Faraghi, je ne sais plus ce que je voulais dire à son sujet. Quand j'ai échangé avec lui sur Facebook, en lui disant je ne sais plus quoi, j'ai évoqué aussi, alors là c'était pas moi, j'en étais pas resté à la classe, j'en étais resté à l'école. Je travaille pour, je conçois des éco-hameaux, éco-villages, donc dans mon esprit il y a forcément une école dedans. Et lui, il me dit ce que j'avais pensé, mais que je n'aurais pas osé formuler direct comme ça. Il me dit, mais non, mais le village, c'est l'école. Et comme avant, en somme, finalement. Et on n'invente rien, et pourtant, il est en pointe là-dessus, parce que peu de gens s'autorisent à penser ça. Le village, c'est l'école, alors quand on est en ville, le quartier, le machin, imaginez le village en ville. Oui, vous voulez intervenir? Oui, moi, je pense que... mettre l'évaluation, le système d'évaluation en premier, ça suppose qu'on accepte le système tel qu'il est et on essaie de peut-être de le réformer, je crois. Je pense que si on part de ce postulat-là, ça veut dire qu'on accepte le système tel qu'il est et on demande à ce que ce soit réformé. Et je pense que l'expérience de ces écoles-là, justement, elles ne sont pas parties de l'évaluation. Ils ne sont pas partis de dire on change l'évaluation, ils sont partis justement de la pratique, de l'activité, du rapport à l'autorité, le rapport au savoir, le rapport à la société, le rapport social. Quoi. Et je pense que construire ou édifier l'homme nouveau ou l'élève nouveau, il émerge de toutes ces pratiques-là, indépendamment du système d'évaluation, qui lui n'est qu'un contrôle social, un contrôle de... fait pour l'économie, pour insérer, quelqu'un a parlé de camp de concentration tout à l'heure, c'est pour les rendre plus productifs, plus citron à presser. Plus robot. Hein? Plus robot. Voilà. Donc moi je pense qu'il faudrait plutôt creuser dans le principe d'une nouvelle école, dans une nouvelle société, un nouveau village effectivement, où l'évaluation ou les compétences, elles ne viennent qu'après, beaucoup plus tard, quand les gens se sont armés, se sont emparés de tous les éléments de savoir, savoir et savoir-faire, savoir-être. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'on pourrait évaluer à titre indicatif ou à titre d'orientation, aider la personne à exprimer en fait elle-même son auto-évaluation pour dire voilà j'ai choisi tel système ou tel métier ou telle profession, je pense que je suis apte aujourd'hui à faire ce travail-là, à rendre service et à être utile à la société et avec les gens avec lesquels je vis. Et le problème de niveau, le problème de classe, de niveau d'âge, je pense que moi, je pense que le niveau, si on fait abstraction du niveau, si on fait des classes de niveau, ça veut dire qu'on repart de l'évaluation, justement. C'est ça qui me gêne. C'est un préalable. Et donc, il ne faudrait pas en tenir compte. Il faudrait tenir compte d'une classe naturelle, une classe d'âge naturelle, je dirais, ou un milieu de vie plutôt naturel ou homogène, dans lequel les jeunes ou les enfants vont faire un travail de découverte, un travail d'appropriation des outils, des savoirs et de rendre compte de leur expérience, de leur découverte au fur et à mesure de l'évolution. Voilà. Merci. Est-ce que quelqu'un veut rebondir là-dessus ? Oui. Alors rebondir, oui et non, mais moi, une idée me vient à l'esprit. Pourquoi ? Parce que là, quand je vois une école, c'est un lieu fermé. C'est-à-dire les élèves entrent, on ferme la porte, il y a des grilles autour. Si ces lieux resteraient ce qu'on appelle des lieux ouverts de libre circulation, est-ce que justement il n'y aurait pas, je dirais, de meilleures réussites ? C'est-à-dire que les enfants entrent et quand ils en ont assez, ils peuvent en ressortir ou circuler dans l'ensemble de cette structure qu'on n'appellerait plus école. Voilà. Je vous rappelle, si vous voulez intervenir, si vous, vous faites signe et je vous donne le micro. Merci. Alors, avant que tu dises ça, j'étais en train de me dire qu'en fait, il fallait garder ces lieux, mais parce que déjà, il y en a un peu partout, donc c'est quand même plutôt pratique. Et après, on pourrait les appeler différemment, en effet. Qu'ils soient ouverts, c'est très intéressant, mais que ça reste les lieux dans lesquels, justement, se retrouvent... les enfants pour échanger, découvrir et partager, et avec les adultes. En fait, j'étais en train de me dire, pour aussi donc sortir, donc voilà, de ne plus être dans une classe de niveau, ça je suis tout à fait d'accord. Et donc ça pourrait être en fait un espèce de grand lieu dans lequel on se retrouve en fait peut-être à n'importe quel âge d'ailleurs. Je sais pas si c'est faisable ce que je dis, mais on pourrait y aller un peu à n'importe quel âge. Et au lieu que ce soit donc des classes ou de niveau ou d'âge ou autre, ça pourrait être des classes thématiques, enfin des salles plutôt. Des salles thématiques. Une salle dans laquelle aujourd'hui ça va être, je ne sais pas quoi, le menuisier du quartier qui vient expliquer comment est-ce que ça se passe pour lui la menuiserie. D'un autre côté, quelqu'un qui est un romancier qui va expliquer ce que c'est que l'écriture et bon. Là, on pourrait dire on est déjà à un niveau peut-être plus collège-lycée, mais il pourrait y avoir aussi de la même façon découverte de l'écriture, découverte des mathématiques. Enfin voilà, en fait, qu'il n'y ait que des salles comme ça qui aient un thème, et ce thème pourrait changer d'une journée à l'autre en fonction de ce que chacun a envie d'apporter et de développer, un peu comme on peut le faire ici, quoi. Sur n'importe qui peut venir dans une salle en demandant voilà, moi je veux bien avoir cette salle-là ce jour-là et je proposerai ça comme échange de savoir. Ce sur quoi on avait insisté aussi, ce qui me semble important, c'est que ce soit pas un rapport adulte-enfant. Donc, qu'il y ait aussi la possibilité, alors je sais pas si, peut-être d'ailleurs, je sais pas, si en demandant à un enfant de 4 ans, qu'est-ce que tu veux faire toi dans cette salle demain ? Et je me dis que si on leur donne tous la possibilité, il y a un moment, ils feront des propositions sans aucun problème. Et ce sera peut-être, je sais pas, moi, construire on n'en sait rien, j'ai pas d'idée. Mais. Voilà, et que du coup les adultes pourraient aussi venir à dans cette salle-là où ces deux ou trois enfants vont proposer des choses. Et je me disais aussi que du coup ce qui était important, et là ce qui nous fait totalement sortir plus de l'évaluation individuelle, c'est que du coup ce serait que du travail de groupe à chaque fois, mais pas un travail de groupe dans le sens où la production doit être en commun et donc ni la créativité de chacun, mais où voilà, chacun peut venir apporter quelque chose et ce serait du travail de groupe à chaque fois. Et l'autre question que ça me pose, c'est ce fameux rapport donc à l'autorité en plus en là et à la discipline. Parce que en France, on est quand même tout à fait dans l'idée, il faut que le maître ou la maîtresse impose un certain truc pour que les élèves soient sages. Et s'ils sont pas sages, ils peuvent pas apprendre. Et donc ça m'intriguerait beaucoup en fait de penser ce qui serait cette nouvelle école et de quelle façon se passerait le rapport de force. Parce qu'en fait, du coup, ce serait un tel apprentissage du rapport aux autres. Et pour les enfants et pour les adultes qui y passeraient, que de toute façon l'école c'est la mini-société, enfin c'est le reflet de la société. Ce qui se passe à l'école, ça nous prépare à la société. Donc si on change le mode de fonctionnement de l'école, ça veut dire que la société derrière va changer. De toute façon, plein de fois pendant l'atelier, on s'est dit ouais, mais en fait ça nous ramène à l'éducation. En fait, ça nous ramène à l'éducation, donc c'est clair qu'il y a quelque chose à commencer là-dedans. Ensuite, comme les questions qu'on se pose aujourd'hui, c'est comment y arriver. Alors, c'est, à mon avis, c'est gagné tout de suite pour les enfants, ça va pas trop leur poser de problème de commencer à fonctionner comme ça. Par contre, ça va plus être pour les adultes que ça va être difficile. Alors peut-être la possibilité, ce serait déjà de le faire de façon mitigée, c'est-à-dire de je pense, en première étape, pour pas trop frustrer les mœurs, de faire d'abord, par exemple, le matin, on garde l'enseignement classique, et l'après-midi, il y a ce fonctionnement-là de salle, où chacun, et que ça se développe petit à petit jusqu'à ce que, en fait, ça devienne vraiment un nouveau mode éducatif. D'ailleurs, l'éducation, en soi, c'est pas un gros mot, hein, c'est juste ce que ça nous a, ce dans quoi on est maintenant. Voilà, tu y avais qui d'autre? Merci. Je suis pas arrivé tout à fait au début, donc je sais pas ce que vous entendiez par système d'évaluation. Moi, l'évaluation, ça me fait penser aux notes. Mais je pense qu'il faudrait supprimer les systèmes d'évaluation, qu'il n'y a plus besoin d'évaluer du tout. Par exemple, bon, pour une matière quelconque, on fait une correction, on fait des annotations, on fait des réflexions. Et après, là, on met les enfants en groupe et les enfants se corrigent les uns les autres. Mais bon, je vois pas tellement plus loin parce que j'ai pas suivi dès le début ce que vous entendiez par système d'évaluation. Si on supprime l'école, il n'y a plus de système d'évaluation. Mais bon, c'est les enfants qui apprennent directement dans leur famille ou dans la rue ou par les autres. Bon, bref. Ah oui, du coup, pour rebondir sur ce qui s'est dit tout à l'heure, je suis pas sûr que ça, soit trop compliqué. Effectivement, on a dit tout à l'heure, les enfants, bon bah eux, ils vont y aller, ils vont foncer. Après, je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui se posent des questions. Il y a beaucoup plus en plus de, il y a de plus en plus de parents qui se posent des questions. Et du coup, ce qui me fait dire que finalement, après, ça ouvre une porte qui est encore plus grande, mais qui est complètement de revoir notre façon de vivre, et notamment de vivre avec ses enfants. Et on en avait un peu parlé dans l'atelier, c'est-à-dire que il y a énormément de parents, bah, ils bossent, ils voient leurs gamins le soir, certains ils les voient juste pour entre guillemets les coucher, enfin les laver et les coucher, parce que bah, ils rentrent tard de leur boulot et que bah, c'est la nounou ou c'est la mère ou c'est la grand-mère qui garde les enfants parce qu'ils peuvent pas faire autrement. Mais encore pour ceux qui ont de la chance d'avoir une famille pour les garder, parce que les autres c'est bah, faut payer. Et pour les faire garder, donc ça serait un. Comment dire, il faut déjà, je pense qu'il y a. Derrière, il y a le temps de. Enfin, le. Comment dire, la répartition de la journée qu'il faut complètement revoir. Et il me semble, si je dis pas de bêtises, on avait expliqué aussi que les parents devaient être intégrés plus à ce système éducatif. Et non pas, en gros, je mets mes enfants et puis bah, je vous engueule parce que vous avez engueulé mes enfants et en gros vous êtes une garderie. Alors je suis un peu dans le cliché, mais par moments c'est un petit peu ça, ça dépend où. Dans d'autres endroits, c'est bah, malheureusement dans les endroits, dans les quartiers populaires, etc., où il y a des parents qui parlent peu et pas très bien français, bah, finalement c'est très compliqué de discuter avec l'enseignant. Et là, c'est une espèce de confiance totale et où même où on a très très peur du prof parce que bah, c'est entre guillemets, c'est la personne qui est un peu lettrée et qui, bah, qui fait office un peu d'éducation. Enfin, pour moi, il faudrait déstructurer ça et justement, limite, inviter en fait à les parents à se. Alors, je sais pas si on peut parler de projet scolaire pour leurs enfants, enfin, mais à l'agrandissement, enfin, et l'épanouissement des enfants. Je pense que c'est obligatoire. Et après, dans ces cas-là, bah, c'est simple. Hein. Aujourd'hui, si on met ce système-là en place, enfin, c'est simple. Oui et non. Mais c'est trouver un. Si déjà on a la possibilité de le faire, alors je sais pas s'il faut passer par une loi, j'en sais rien, parce qu'on a dit la semaine dernière que les lois, ça détruisait les démocraties et. Et donc du coup c'est pas forcément le enfin faut pas foutre des lois partout. Mais du coup si on offre cette possibilité là, il y aurait beaucoup plus de gens qui prendraient du temps, et même des on a parlé de charpentiers, d'artisans, etc. Si on leur offre cette possibilité, peut-être que s'ils peuvent l'apprendre et partager leur savoir, un peu comme on fait sur cette place, ils viendraient beaucoup plus facilement. Mais dans ces cas-là, il faudrait organiser leur temps de travail de telle façon qu'ils peuvent se déplacer dans ces lieux qu'on n'appellera peut-être tout, pas une école ou toujours une école, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y aurait du coup un travail à faire avec le ministère du travail, si ça existe toujours, ou le truc qui gère les gens qui bossent dans la société idéale, je ne sais pas ce que ça sera, mais je pense que c'est important. Après, il faut montrer aux gens qui peuvent le faire. Mais ça, faut leur dire. Et il faut peut-être un peu les aider. Et en leur disant, tu as une après-midi dans la semaine où tu peux aller dans une école. Et un peu comme les gens qui font des interventions. Il n'y a pas longtemps, j'étais dans un collectif qui s'appelle le MAG, LGBT, etc., etc. Et ils font des interventions dans les écoles. Ils font un boulot mais vraiment génialissime. Mais voilà, il faudrait que ce type d'initiative qui existe déjà en fait, la multiplier, alors peut-être pas sous forme d'une association, mais le permettre que ça soit de plus en plus possible. Et ça aussi, il faut voir avec ce qu'aujourd'hui on appelle une équipe pédagogique. Et ça aussi, c'est dans la société idéale, il faudrait revoir complètement ce système finalement où aujourd'hui une école, c'est y a un chef au-dessus. Et en fonction de ce chef, il y a des choses qui se font ou il y a des choses qui se font pas. Et ça ne devrait pas être possible, parce que déjà, il y a un espèce de libre-arbitre qui est déjà au-dessus. Et il y a déjà quelqu'un qui prend une décision. Le collectif qui s'appelle le MAC, qu'on a rencontré la semaine dernière, il nous disait, forcément, dans les collèges ou dans les lycées, où il y a un proviseur, où il y a un conseiller d'orientation qui est un petit peu plus ouvert sur des choses, etc., etc., ils ont des facilités pour y aller. Mais par contre, quand ils sont dans des collèges ou dans des lycées où je vais être un peu dans le cliché, mais on a des dirigeants qui sont un peu plus conservateurs, ils n'ont pas accès à ces lycées-là. Donc il y a aussi ce côté-là que je pense qu'il faudrait complètement changer, parce que forcément, sinon ça ne marche pas, quoi. Merci. Donc on est, je vous rappelle, on est dans l'atelier Éduque Pop, quelle société veut-on et comment arriver à la société qu'on veut. Et on est en train de parler des enfants, des questions d'éducation. Et si vous voulez intervenir, vous me faites un petit signe. Alors moi je prends un petit temps de parole. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Et alors déjà je pense qu'il y a quelque chose qui est important. Alors déjà, l'école. Comme tu l'as dit, l'école, c'est une sorte d'antichambre de la société adulte, la société réelle et tout. Et on te forme, on te conditionne pour que ensuite, dans ta vie d'adulte, tu apprennes la vie de régiment, respecter les horaires, la hiérarchie. Et puis, je ne vais pas vous faire la liste. Je pense que réfléchir sur que ce soit la réforme, que ce soit la destruction ou je ne sais quoi de l'école, c'est déjà intégrer la réflexion sur changer la société. C'est-à-dire que si on arrive à changer le système scolaire, le système d'éducation, si on arrive à trouver les moyens d'engager en fait une transformation positive, eh bien on peut trouver des clés qui ensuite peuvent être effectives au niveau de la société. Alors je pense à une chose par exemple. Si on veut changer l'école et autres, il faut s'attaquer, peut-être commencer avec la formation des profs, c'est-à-dire aller choper les étudiants, les jeunes qui sortent, qui ont leur DUG, leur licence ou autre, et qui veulent devenir profs, ou alors qui passent par un autre diplôme, et les former au système scolaire qu'on veut. Alors évidemment, il est à élaborer. Et il y a tout un travail de critique de toutes les formes d'éducation dont on a parlé, le truc finlandais, Montessori et compagnie. Déjà, je pense que la première chose à faire, c'est développer une véritable critique en 2017-2018 de tous ces systèmes éducatifs et voir quel est celui... tirer le meilleur de ces différents enseignements, créer quelque chose de nouveau à partir de tout ce qui s'est déjà fait, et à partir de là, former des maîtres. Alors je dis former des maîtres parce qu'on a parlé beaucoup de choses qui sont terribles dans les bahuts, Moi aussi, j'ai vécu le collège et le lycée, surtout la fin du lycée, comme un système carcéral. C'était vraiment terrible. Mais il y avait j'ai connu un prof qui était j'avais des copains qui avaient des cours de sciences éco et sociales avec ce prof. Et ben lui, il avait un système où en fait, il laissait les élèves dans sa classe faire ce qu'ils voulaient. Si tel ou tel élève voulait sortir de la classe, aller fumer un joint et revenir 2 heures plus tard, allez-y, mais ne dérangez pas quand je fais cours. Et ça fait que les rigolos, très rapidement, ils se mettent dans leur coin, ils jouent aux cartes, ils font pas trop de bruit. D'autres, ils sortent fumer des joints. Et puis ceux qui sont intéressés par la critique la critique économique, les questions sociales et toutes ces choses-là, tout son cours qu'il déroule, il pouvait le suivre. Et il avait une relation avec les élèves, avec d'autres profs, on était avec le prof qui sait tout, et on est des petits merdeux, on est des gamins. Là, il avait une relation d'égal à égal. Et moi, j'avais pas ce prof. Mais si je voulais, parce que j'avais des copains, des fois j'avais une heure de trou, je pouvais me pointer dans sa classe et suivre son cours. Donc quand je dis ça, et ça, je parle d'un bahut parisien autoritaire. Un truc avec un salopard, excusez-moi, même si ça enregistre, mais je donnerai pas le nom du bahut, mais voilà, avec un système, une hiérarchie au sein du lycée, avec un proviseur qui est un salaud. Un mec qui réduit les libertés, qui a réduit les libertés au fur et à mesure des mois et des années. Mais pourtant, le prof, il est là, il connaît ses droits et il fait tourner sa classe. Et rien qu'un prof qui a une démarche, qui a intégré tout ce qu'on dit sur un nouveau système d'éducation et patati et patalotre, ne serait déjà dans le système actuel, il peut faire beaucoup. Donc c'est pour ça, c'est pour dire que déjà on peut agir dans le cadre actuel. Et après, moi je pense que le système scolaire, il faut réfléchir, il faut se rendre compte que c'est quelque chose d'extrêmement politique. Faut voir ce qu'on appelle l'éducation nationale et puis le ministère de la recherche et toutes ces choses-là, tout ce qui est lié à l'éducation, c'est un fric fou. C'est-à-dire que en France, le budget de l'État, il est pompé par l'éducation. Et dans les autres pays du monde où il n'y a pas l'éducation accessible, gratuite, c'est l'éducation qui prend toutes les économies de toutes les familles dans le reste du monde. Donc il faut aussi réfléchir sur se dire qu'on réforme le système éducatif. Attention, on touche à quelque chose qui est extrêmement politique, qui soulève énormément de moyens, qui va engager des résistances énormes. Et juste pour finir, le système éducatif, c'est pivot. Et donc je pense qu'il faut, il faut savoir développer une véritable réflexion qui soit politique réellement et social sur ce système éducatif et pas forcément se limiter au fait que les enfants se sentent bien ou pas bien dans les classes. Parce que si on veut changer ce système, il faut bien comprendre qu'ils sont capables de mobiliser l'armée pour défendre leur système éducatif. La colonisation de tout le monde, le sud et autres, par les puissances européennes, c'est les armées, c'est la loi, c'est-à-dire notre droit, nos cours de justice s'appliquent par rapport au droit coutumier, prévalent au droit coutumier, et envoyez vos enfants dans nos écoles. C'est ça la colonisation. Donc il faut bien comprendre qu'on est dans un système, que remettre en cause le système éducatif, ça implique des choses ça a des implications politiques extrêmement sérieuses. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut... Désormais à l'école. Non, je plaisante. Oui, non, j'ai compris, tu vas un peu fort. Mais justement, ça peut être... En tout cas, j'espère qu'ils n'auront pas tiré sur des gamins. Ceci dit, on a vu dans les blocus de lycéens, il n'y a pas longtemps, qu'ils étaient capables, effectivement, de foncer un peu dans le tas et de ne pas réfléchir. Et heureusement, il n'y a pas eu des victimes qui auraient pu avoir ou on a vu autre chose dans les manifestations. Bref. Oui, effectivement, là, finalement, il faut démonter complètement le système actuel. De toute façon, je pense que le système actuel, il tire la langue. On en voit on en voit les problématiques rien que sur le fait qu'on change les rythmes scolaires quasiment tous les deux ans, ou même tous les ans, et que c'est un sac de nœuds à faire. Et c'est un peu comme l'Arlésienne de parce qu'il y a des gens qui ont dit un jour faut mettre le bébé sur le dos, un jour faut le mettre sur le ventre, et un autre jour faut le mettre à quatre pattes, et en fonction des. Attention, Camille. Merci. On a dit pas de prénom à l'Assemblée populaire. Pardon, excuse-moi, mais du coup on a eu une fuite de feuilles. Je suis désolé. Et comme j'étais celui qui pouvait faire le plus de bruit possible, je me suis permis de dire. Mais voilà, enfin. Il faut, à travers ce qui s'est dit, pour moi, il faut dépolitiser, oui, effectivement, l'école, ça c'est sûr. Est-ce qu'il faudrait d'ailleurs un ministère de l'éducation? Moi, je ne pense pas, en tout cas. Et que ça pourrait se chapeauter au niveau local. Et finalement, oui, il y aurait peut-être. On a parlé tout à l'heure cette fameuse base, mais en même temps, j'ai aussi entendu qu'on pouvait apprendre cette base peut-être un petit peu plus tard. Est-ce qu'il faudrait justement organiser des. Je ne sais pas si ce serait des cours. Mais avec ces bases-là, et du coup, en fait, c'est plutôt, au lieu de faire une classe, c'est les élèves qui iraient quand ils auraient envie d'y aller, quoi. Enfin, je sais pas, il y aurait un espèce de programme de la semaine, et je ne sais pas, je dis n'importe quoi, tous les lundis, à 13h, et ben, il y a un truc de maths, ou à 14h, il y a un truc de lecture, etc., etc. Et en fait, qui veut y venir, vient. Et finalement, peut-être, peu importe l'âge aussi, et ce qui se réglerait peut-être la notion d'âge. Parce que finalement, est-ce que si c'est si important, alors j'ai pas d'enfant, j'ai pas eu d'enfant scolarisé, forcément, si j'en ai pas, mais est-ce que c'est vraiment important, en fait, que ton enfant, il soit avec des gens forcément qui aient le même âge que lui, ou en tout cas la majorité, pour grandir? C'est juste pas, c'est une question qui m'interpelle. Après, peut-être que la question, la réponse est oui, et du coup, ok, je dis ok. Peut-être que c'est non. Moi, j'ai, pour le coup, je connais beaucoup de gens qui ont fait des études et qui ont eu quelques années de retard ou qui sont un petit peu perdus en cours de route. Et c'est assez bizarre parce que finalement, des scolarités, y en a beaucoup qu'on peut faire avec des gens qui sont plus âgés. Alors des fois c'est un ou deux ans, est-ce qu'un an près ça joue? Encore une fois la question je me la pose, je pense pas vraiment. Après c'est vrai que s'il y a 10 ans là ça peut être un petit peu bizarre, mais après tout pourquoi pas. Mais voilà, c'est comment dire, voilà, c'est en tout cas ça serait ma proposition, ça serait peut-être des trucs un petit peu libres par rapport à toutes ces bases, et après le reste... il y aurait une organisation en fonction des thématiques. Et par contre, cette espèce de programme, on peut appeler ça comme ça, il y aurait aussi un temps pour le construire. Et forcément, si on le construit, on peut le faire sur, pourquoi pas, sous la forme d'une assemblée générale. Avec, encore une fois, j'y viens, des parents, des enfants, des gens qui formeraient éventuellement le corps, ce qu'on appelle aujourd'hui le corps enseignant, et qui construiraient un petit peu une ébauche de programme ou d'organisation dans l'année, mais un truc qui est, comment dire, assez flexible et qui est ouvert avec le principe de qui veut venir, vient. Et forcément, si les gens sont intéressés, et après, ils viennent. Par contre, si je dis n'importe quoi, il y a un truc poterie et qu'il n'y en a aucun qui vient à la poterie, au bout d'un moment, faut arrêter de faire de la... Enfin, c'est pas faut arrêter de faire la poterie, c'est dire que ça existe toujours. Mais du coup, voilà. En tout cas, faut se poser des questions. Je sais pas. Et encore une fois, est-ce qu'on part sur un an? Est-ce qu'on part sur 6 mois? Il y a plein de questions et j'ai pas forcément les réponses. Et voilà. Bref, j'ouvre des portes aujourd'hui, tiens. Est-ce que quelqu'un veut intervenir, veut rebondir? Oui. Oui, moi, je reviens un peu sur le système d'évaluation. Et dans évaluation, il y a système de valeur. Et je pense qu'il ne faut jamais perdre de vue que l'éducation, et c'est pour ça qu'on l'a appelé éducation nationale, ou qu'il y a un ministère, qu'il y a tout ça, je dirais même que à la limite, c'est le ministère le plus important, le plus régalien après les ministères régaliens comme l'intérieur, la justice et l'armée, la défense nationale. Donc c'est un enjeu très très très important. Je dirais que c'est même le système ou le ministère ou l'action la plus importante, parce qu'elle reproduit, c'est elle qui reproduit la société, qui reproduit les héritiers, qui reproduit les classes dirigeantes, qui reproduit la reproduction du système social. Et c'est pour ça que, je veux dire, l'attaquer, ce n'est pas seulement à la légère, ni avec des choses comme ça. Et qu'on a s'appuyé sur les différentes forces sociales qui agissent dans le domaine économique, dans le domaine du social, dans le domaine de la culture, pour arracher cette emprise de l'oligarchie, de la bourgeoisie ou du système dominant qui reproduit sa reproduction, son emprise, son exploitation sur la société à travers l'échange, à travers la façon de distiller son idéologie et son système de valeurs à ce que la société soit soumise et accepte de façon implicite, de façon de collaboration entre guillemets, mais un peu inculquée, un peu volontaire, c'est une espèce d'adhésion à sa propre détermination, à son propre alignation, voilà. C'est ça que je voulais dire. C'est par rapport à une alignation, justement, qui passe à travers l'éducation, à travers cette possibilité de ne pas laisser aux individus de s'autonomiser et de devenir les propres acteurs sociaux de leur pays, de leur société. Moi, excusez-moi de prendre le débat en marche. Alors, vous trouvez normal, vous, quelqu'un qui passe son bac, bon, déjà, c'est pas tout le monde qui arrive à passer son bac. Alors après, il va tirer au sort, pour aller à l'université, à bout. Alors maintenant, les études, ça serait du tirage au sort, sauf pour Monsieur Macron et les gens qui font l'ENA, parce qu'eux, ils n'ont pas de problème. Ils sont nés dans les beaux quartiers, ils n'ont jamais connu notre monde à nous, ils vont faire l'ENA pour apprendre juste à baiser la gueule aux gens, ils n'apprennent rien d'autre à l'ENA qu'à être des chefs. Mais alors, vous trouvez normal, votre môme, là, il a bien travaillé, il a réussi à avoir son bac, il va être tiré au sort? Ah bon, alors les études maintenant, c'est pas pour tout le monde. Eh bien, vous savez ce qu'on va faire? On va faire comme quand on a créé l'université de Vincennes. Bah oui, on va faire des facs ouvertes et libres, on va les faire nous-mêmes. Voyons, enfin, on est au 21e siècle, il paraît qu'on est dans une civilisation en plus, et on va tirer au sort les gens qui auront le droit de faire leurs études. Laissez-moi rire. Tout le monde a le droit d'étudier, sans payer. Ça doit être gratuit, c'est un service public. Il faut l'arracher. Il faut les occuper, les facs, à la rentrée. Et en attendant, on crée nos propres facs. On l'avait bien fait à Vincennes, c'est devenu Paris 8. Bah oui, au début, c'était une fac qui avait aucun droit d'exister. C'est nous qui l'avons ouvert à l'époque, avec des grands philosophes comme Deleuze, Guattari et tout ça. Eh bien, on va refaire pareil, parce que M. Macron, il croit que nos mômes, on va les faire tirer au sort pour faire des études. Non, mais il se croit où, lui? Il va peut-être falloir lui dire qu'il n'est pas dans le même monde que nous. On l'invite à venir causer, Macron? Quelqu'un veut rebondir? On en parle toujours de l'éducation à la société qu'on veut. Quelqu'un veut dire quelque chose? Oui. Non, je voulais juste rebondir par rapport à ce que tu disais là. Le fait de mettre des enfants qui ont des âges différents ensemble dans une même classe. Bon, c'est ce qui se fait dans les villages ou les endroits où il y a très peu d'enfants. Et il semble que ça marche très bien. En fait, bon, chacun apporte sa compétence. Il y a les plus grands ont certaines compétences que n'ont pas d'autres, mais les petits peuvent apporter leurs compétences aussi. Mais dans l'éducation au niveau de la ville, vu qu'il y a suffisamment d'enfants, inaccepté de penser à ce système de fonctionner. Mais et en fait, l'évaluation, elle se fait. Il n'y aurait pas d'évaluation, il y aurait, un apport des uns par rapport aux autres. Bon, j'ai pas la facilité pour m'exprimer comme certains, donc j'arrête là. Ouais. Oui, d'accord. Je n'ai pas encore eu tout à fait ma réponse, mais on y travaille. Peut-être à la fin de la journée ou dans un atelier la semaine prochaine. Je voulais dire, bon, là on est vraiment sur les enfants, donc le bac, ça me fait réfléchir et ça me fait rebondir sur cette réflexion également. On parle d'évaluation et forcément dans l'évaluation il y a un examen. Alors après vous pouvez avoir une espèce de truc continu, là je sais pas comment ça s'appelle, contrôle continu. C'est un truc à la mode, en ce moment ils mettent des notes, des A et B, enfin je comprends plus rien, même au brevet je comprends plus rien. J'ai ma petite cousine qui passe ça, ils ont essayé de m'expliquer mais j'ai été largué au bout de 2 secondes. Mais bref, même le système est devenu complètement bête. Je sais pas l'impact que ça a sur les jeunes, parce qu'en fait eux-mêmes ne savent même pas ce qu'ils doivent faire et ils sont tous à se poser des questions. Et encore une fois, si on change une année sur deux la façon de faire, au bout d'un moment, les profs, ils n'en peuvent plus, et les élèves, ils comprennent plus rien, et les parents, ils sont largués. Donc, il faudrait peut-être donc déjà arrêter avec tout ça, mais bon, ça, je l'ai dit tout à l'heure. Mais et surtout, c'est en fait, je me dis qu'une fois que donc qu'on a choisi entre guillemets sa voie. Alors déjà, c'est pas un truc tout tracé, c'est-à-dire que si au bout d'un moment, on se dit bon bah non, finalement, c'est pas fait pour moi. Y a possibilité entre guillemets de changer en cours de route, qu'il y ait un peu de rattrapage à faire, et encore une fois que la personne soit aidée et qu'elle soit pas obligée d'attendre pendant 3 mois pour récupérer le semestre suivant. Enfin, faudrait trouver un système d'organisation où finalement il y aurait un truc un petit peu plus fluide. Et qui est du bon sens. Mais surtout, effectivement, que le bac ou le brevet ou des choses comme ça, finalement, il n'y en est pas spécialement. Si on reprend le métier de menuisier, et ben, finalement, l'évaluation, elle se fera toute seule, quoi. C'est au bout d'un moment, je dis n'importe quoi, hein, mais tu peux monter une chaise, et tu arrives à monter une chaise, bah voilà, tu as gagné une étape, et on s'en fout. Enfin, à la rigueur, on boit une bière, et t'es content, et voilà, et en fait c'est faudrait pas qu'il y ait un système qui soit de la méritocratie. En fait c'est con parce que on revient toujours à Macron, ça me saoule, mais c'est un petit peu ce qui ressort. Et en fait moi voilà, ce système parce que quelque part l'évaluation c'est aussi de la méritocratie, bah ouais, enfin je trouve. Donc stop à la méritocratie. Voilà, tout ça pour ça. Je pensais pas atterrir là-dessus, mais je le fais quand même. Quelqu'un pour rebondir là-dessus? Oui. Alors ce n'est pas pour rebondir là-dessus, parce que moi je continue à réfléchir à la future école pour demain, avec cette porte qui n'existe plus, où tout est ouvert. et où je suis bon, plus vraiment, pas vraiment d'accord, c'est quand on parle de programme. Je pense que le programme, c'est quelque chose qu'il faut oublier, c'est-à-dire que dans ces lieux qui sont ouverts, il faut que tout puisse être à disposition pour chacun. Chacun aura son envie, son imaginaire va travailler, que ce soit pour les plus jeunes enfants, que pour leurs parents. Parce que je pense que dans cet espace, même si au jour d'aujourd'hui, les parents participent peu au niveau du système scolaire, hein, qu'il soit, je pense, maternelle, primaire, collège, lycée, même voire universitaire. Peut-être qu'avec ces espaces ouverts, hein, eh bien, ce sont les enfants qui amèneront leurs parents et que les parents se trouveront des pôles d'intérêt. Ils vont être à la découverte. Donc, je dirais, supprimons le terme programme. Et donc, tu disais, il y aura les parents, les adultes, les enfants. Et si on supprime les murs de l'école et qu'on garde les murs, parce que comme tu disais, Adèle, il y a plein de bâtiments, donc utilisons-les. Enfin, ce que je voulais dire, en fait, c'était pas ça. C'était juste une phrase très courte, une citation, quoi, pour participer, une citation philosophique. We don't need no education. Ouais, il faut laisser les enfants tranquilles un peu, hein, faut les laisser s'amuser. Ce serait bien faudrait qu'ils fassent leur propre école, les enfants, qu'ils s'éduquent entre eux. Assemblée constituante des enfants. Il faut les règles mêmes. Il faut qu'ils constituent la République des enfants. Mais où les adultes seraient les bienvenus aussi, hein, qui seraient ouvertes aux adultes. Tant que les adultes laissent les enfants tranquilles. Quelqu'un d'autre? Oui. Oui, c'est aussi donc à partir d'aujourd'hui, comment fait-on pour y arriver? Ça y est, on a basculé l'atelier du peuple, il passe en mode concret là. Ah ben ça fait déjà quelque temps, mon cher ami, il faut suivre. C'est pour ça que là on a repris les propositions déjà existantes pour définir comment est-ce qu'on fait pour y arriver. Bon, comme c'était un peu large, on redéfinit d'abord. Moi je continue aussi donc sur arriver à ces salles dans lesquelles il y a des choses proposées par chacun, chacune, que ce soit par des enfants, par des adultes. Donc comment est-ce qu'on fait à partir de maintenant pour y arriver, et aussi l'aspect ouvert. Bon, il y a quand même pas mal d'éducation populaire qui existe dans des cafés, sur une place publique, dans les quartiers populaires. Donc peut-être coupler, en fait, peut-être que c'est par là que ça pourrait passer, parce que actuellement les liens entre système éducatif, école et éducation populaire sont quasi inexistants. D'ailleurs, les deux se regardent comme si l'un allait manger l'autre, et il y a une espèce de rapport de force presque. Enfin bon, c'est déjà qui a gagné, c'est clair. Mais... Bon, bref, je m'égare. Donc, pour couper les deux, que ce qui soit proposé, donc, quelqu'un parlait tout à l'heure d'occupation des salles d'université. Eh ben en fait, voilà, ça peut être plein de petits moyens pour y arriver. Un, donc, que quelques salles à l'université aient des contenus libres. Voilà, je sais pas, il y a 10 salles dans toutes les universités dans lesquelles c'est contenu libre, ouvert à tous. T'as ton bac, t'as pas ton bac. Tu payes pas ton inscription parce que ceux qui font les cours ne demandent pas de payer. Donc, voilà, c'est un système d'échange, de partage, de travail en commun. Déjà, ça peut être mis en place, il me semble, demain dans les universités. C'est rare que toutes les salles de l'université soient prises. À mon avis, dans aucune université, toutes les salles ne sont prises en même temps. Donc, à mon avis, ça s'est réalisable demain. La deuxième chose, c'est du coup le mettre en lien aussi avec les différentes éducations populaires qui existent pour qu'il y ait des échanges, donc que les gens aillent dans l'un, aillent dans l'autre, que peut-être un savoir qui va être transmis dans une université du coup se retrouve aussi sur une place publique, parce que faut pas rêver, tout le monde demain n'a pas envie d'aller dans une salle à l'université, c'est quand même pas toujours super fun. Donc ça peut être aussi fait dans des parcs. Ça peut aussi être fait, j'en sais rien, moi, sur un terrain de basket, en jouant au basket en même temps. D'ailleurs, ça peut être le basket peut apprendre beaucoup de choses. Bref. Donc, ça, c'est la deuxième chose. Donc, l'occupation de salle à l'université, la mise en lien avec les espaces publics et les lieux déjà alternatifs. Donc, je pense aussi au squat où il y a beaucoup de choses, beaucoup de lieux d'artistes aussi. La troisième chose, c'était par rapport à quelqu'un, on avait parlé des parents tout à l'heure. Oui, voilà, que tous ceux qui proposent des enseignements soient pas forcément des profs. Que ça puisse être, comme on a pu l'avoir ici, que ça puisse être quelqu'un de, de 14 ans qui a lu un livre et qui veut venir en parler à ce moment-là parce que ça lui a évoqué ça, que ce soit enfin voilà, que ce soit tout âge et sur n'importe quel thème, que ça puisse être fait. Et la quatrième chose, et après j'ai fini, c'était justement ensuite que ça se... Donc là je parle un petit peu plus en termes universitaires, et donc l'autre chose, c'est un petit peu ce que j'avais avancé tout à l'heure, que à la limite, bon, ils vont pas lâcher leur programme comme ça, hein, même si ce serait bien qu'ils en finissent avec, mais que du coup il puisse y avoir comme période de transition, un moment où ce fameux programme socle commun soit décidé en commun par les élèves et par les parents, et que ce soit par exemple le matin et l'après-midi, les salles à contenu libre. Et que comme ça, il y a un petit peu l'entre-deux qui se fasse, ou peut-être que la première étape, vu que déjà ce serait passé à une étape supérieure, peut-être que la première étape ce serait que d'abord les programmes soient définis comme tu le proposais, tout un ensemble, donc les élèves, les parents, d'autres personnes du quartier aussi, et puis qu'ensuite, petit à petit, il y a l'aspect salle libre qui se mette en place. Mais enfin voilà, en gros ce serait la première étape, avant les salles libres, et que dans 10-15 ans, du coup, que ce soit qu'en termes de salles libres, quoi. Ouais, c'est pour essayer de faire un chemin. Hyper concret. Merci. Quelqu'un d'autre va intervenir? On continue, hein. On parle des enfants, du système éducatif. Je sais pas si je suis hors sujet ou pas, mais est-ce qu'on peut parler de l'éducation populaire? Enfin, est-ce qu'on peut parler des adultes aussi? La question de l'éducation des adultes. Parce que là, j'ai écrit les enfants... Ouais, parce que je pense que si on veut que les enfants, je reviens sur la question des maîtres, la question des profs, mais concrètement, si on veut changer le système éducatif, si on veut mettre en place toutes ces choses-là, c'est pas les enfants qu'il faut, je vais pas dire éduquer, mais qu'il faut ouvrir dans un premier temps à tout ce dont on est en train de parler, ce sont les adultes. Il faut bien développer des campagnes d'information où on explique, tu vois, toutes les propositions qui ont été faites là, il faut bien les justifier, faire des campagnes, parce que voilà, ça, je reviens sur ce que je disais, mais il y a plein de gens, si on commence à dire oui, alors on occupe un peu les facs, et puis on fait ci, on fait ça, faut voir ce qu'il faut voir en face il y a quelque chose qu'on appelle la réaction, les conservateurs, les ceci, les tout ce que tu veux, et puis des gens qui sont prêts à faire le coup de force, et puis qui ont les finances, et puis qui payent des vigiles, des tout ce que vous voulez, et donc on a besoin de communiquer. Et c'est pour ça que je parlais de développer tout un travail critique sur l'éducation. Et je pense que c'est important plus que tous les autres thèmes, parce que via l'éducation, voilà, on pourra initier un vrai changement. Donc communiquer massivement. Enfin, ce que je me dis, c'est la question de l'éducation, de ce dont on est en train de parler là, sur se réapproprier les structures éducatives et les lieux et toutes ces choses-là, ça doit être, à mon avis, une priorité dans l'action. Et il ne faut pas se leurrer, on est sur quelque chose d'extrêmement radical, et bloquer des facs, bloquer des lieux du savoir et le système de reproduction sociale qu'est l'école, ça peut être beaucoup plus dangereux pour le pouvoir que bloquer des raffineries ou des trains ou des je ne sais quoi. Voilà. Bon, je fais un petit... j'essaie d'appuyer mon point, mais voilà, je pense que c'est quelque chose qui est pas mal. Est-ce que quelqu'un veut intervenir? Oui. Je peux réagir rapidement sur ce que vous avez dit par rapport à... Dans le micro, s'il te plaît. Ah oui, désolé. Juste pour réagir par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, ce que tu as dit par rapport à l'occupation de salles dans l'université ou le blocage de facs. Ça a été très compliqué, on a déjà tenté de faire ça cette année parce que je ne sais pas si vous êtes au courant de la fusion des universités parisiennes qui va être faite. Du coup c'est tout un bordel ce truc, et on a essayé de s'opposer à la fusion donc de Paris 3, la Sorbonne Nouvelle Paris 3, Diderot Paris 7 et Paris Descartes, ces trois universités ont fusionné Du coup, on a essayé de se mobiliser sur un long terme parce que bah, ça touche à tout ce qui est l'accessibilité à l'éducation, tout simplement, dans les études supérieures en tout cas. Et du coup, on a essayé de se mobiliser, mais c'est très très compliqué. Bloquer l'université, c'était quasiment impossible sur le moment, mais on a continué de lutter, on a essayé de faire de petits rassemblements, mais c'est juste pour préciser que c'est pas évident. Je ne sais pas comment je vous proposerais de faire ça. Mais nous, en tout cas, il y avait Solidaire étudiant de Paris 3 qui a essayé plusieurs fois de faire des appels à rassemblement, donc entre les trois universités. Les étudiants eux-mêmes n'étaient pas très réactifs sur ce qui va se passer, ce qui va se passer d'ailleurs, c'était à la rentrée prochaine, il me semble. Et ça appelle à mobilisation, à tout ça. Et c'est faisable, mais ça faut vraiment essayer de comme tu disais, communiquer et massifier ça. C'est vraiment important ce que vous dites parce que il y a quand même. Il y a quand même dans plusieurs facs, depuis 2-3 ans, moi j'ai eu connaissance, des fois j'ai même été invitée parce qu'on était à Nuit Debout, on a vu des tentatives qui étaient vachement intéressantes à l'école des hautes études en sciences sociales, à Paris 8 j'ai pas pu y aller mais il y a eu des trucs aussi, il y a des endroits où les étudiants arrivent provisoirement à Paris 8 tout de suite, le président de l'université les a jetés dehors, mais à l'école des hautes études en sciences sociales, je crois qu'ils ont ouvert un petit lieu quand même, qui est encore ouvert si je ne me trompe pas. Et ça c'est déjà bien parce que c'est des lieux du coup qui s'ouvrent sur l'extérieur. Ils sont créés par des étudiants avec une tolérance provisoire ou même une vraie tolérance comme à l'école des études ou en attendant de se faire foutre dehors. Pendant quelques temps, ils font des discussions intéressantes en invitant des gens de l'extérieur. Et moi, je voudrais vous donner un autre exemple puisque Antoine parlait de comment on fait entre adultes. Dans un de mes boulots, un boulot où on était tous un peu débutants, contractuels, tout ça, bon, c'était peut-être après mes 68 quand même, oui. Il y a un copain que vous pourriez dire qu'il était autodidacte parce que son père était réfugié de 36 en Espagne, ouvrier agricole, et son fils n'avait pas tellement été à l'école. Et n'empêche qu'il nous avait proposé, donc on était plusieurs dans le même boulot, il nous avait proposé tous les 8 jours d'aller chez un ami pour lire des textes ensemble. Et par exemple, on a lu pas mal de textes de Marx. Bon, on aurait pu lire des textes de Guattari et tout ça, hein. Mais c'était bien parce que du coup, c'était un lieu où on apprenait des choses, où on échangeait, et ça nous donnait de la force. Et après, quand on a vu qu'il y avait des contractants, il y avait des vacataires qui tous les matins venaient voir s'il y avait du boulot de cartographie ou de statistique. Et c'était un grand bureau d'études payé par la Caisse des dépôts qui avait plein d'argent. Et bien, s'il n'y avait pas de boulot, on leur disait, ben, rentrez chez vous, revenez demain pour voir. Et bien, on a décidé de faire une grève parce qu'on a trouvé ça insupportable et on a voulu qu'ils aient un vrai contrat. Donc, on a fait une grève un mois. Ben, ils ont tous eu un vrai contrat. On a été 2 licenciés, dont moi. Et je sais que quand j'ai été convoquée par mon directeur qui a dit, oh, c'est dommage de vous licencier, vous étiez un bon élément. C'était peu après mes 68, en 70, il y avait du boulot partout. Donc je lui ai dit merci, monsieur le directeur. Voilà. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de boulot partout, sauf si on ne se polarise pas sur le système actuel qui veut qu'on rentre dans des filières où l'économie politique n'est plus du tout politique, c'est devenu de la gestion, où on apprend à baiser la gueule aux gens pour quand on aura une place dans une boîte privée, capitaliste bien sûr, eh bien il y a d'autres choix. Il y a des coopératives, il y a des espaces sociaux autogérés, c'est-à-dire on peut donner une liberté dans les études pour qu'on comprenne vraiment le sens des choses, qu'on fasse des choses ensemble qui sont belles. Et je terminerai juste en disant, toute ma vie j'ai été directrice de recherche après cet épisode-là, comme contractuelle. Je finançais des chercheurs, j'avais une liberté, j'avais de l'argent, je pouvais financer des squatteurs. C'est fini, vous le savez très bien. Maintenant, les universités, merci la loi LRU, contre laquelle on s'est battu comme des chiens, liberté et responsabilité des universités. Donc les universités, ça doit être rentable. Maintenant, ça doit être rentable. Comme l'hôpital. Vous avez déjà vu un hôpital rentable? Vous avez déjà vu l'éducation être rentable? Donc les universités sont obligées de se regrouper. Elles sont menacées de faillite. Alors qu'est-ce qu'elles sont obligées de faire? Eh bien, elles sont obligées de faire des partenariats avec AREVA pour dire que le nucléaire, c'est quand même pas si mal. Elles sont obligées de faire des partenariats avec Vinci, avec Veolia, avec Total. Donc si vous voulez, il y a une sorte de pourrissement, je ne sais pas comment dire, de nos universités qui étaient des lieux publics, et c'est nous qui les finançons. Non seulement on demande maintenant des frais d'inscription de plus en plus élevés, comme j'ai dit tout à l'heure, maintenant on va vous tirer au sort, mais en plus, qu'est-ce qu'on vous apprend dans ces universités? Moi, bon alors évidemment, c'était il y a longtemps, hein, quand j'ai fait Sciences Po, Sciences Éco au Panthéon et à Sciences Po, j'avais comme prof à Sciences Po René Dumont qui nous disait « l'Afrique noire est mal partie ». J'avais des profs au Panthéon en sciences éco, c'était des vrais sciences éco. Ils nous apprenaient l'économie politique. Ils étaient d'ailleurs marxistes. Vous ne trouvez plus ça. Vous ne trouvez plus ça presque dans aucune fac. Ce que vous appelez économie maintenant, c'est apprendre à faire des ratios, apprendre à faire du profit, n'importe comment, à n'importe quel prix. Ce n'est pas la science, ça. Et ce n'est pas cette science qu'on veut, et ce n'est pas cette université-là qu'on veut. Alors, il y a tous les moyens de lutte qu'a énoncé Adèle. Ben oui, faisons-les tous, expérimentons-les tous, parce que ce qu'on nous propose maintenant à l'université, d'apprendre des métiers pour baiser la gueule aux gens, en leur vendant des saloperies, en étant bien au courant qu'on leur vend des saloperies, ben on en a marre, voilà. Oui. Oui, maintenant qu'il faut aborder l'aspect de l'éducation populaire adulte. Bon, on a évoqué au début en parlant des enfants comme quoi il y avait des écoles expérimentales, des tentatives, des essais, des aventures qui sont très bien et d'autres ont été stoppées ou sabotées. Dans l'éducation populaire adulte aussi, il y a eu ces temps modernes, ces temps de gloire, je dirais. Parce que l'éducation populaire, elle vient, comme la sécurité sociale d'ailleurs, d'après 36, d'après la guerre, et qui a été mise à disposition des travailleurs, certainement, et des causes populaires, pour s'éduquer, pour s'armer, pour devenir des citoyens agissants à part entière. Et je vous rappelle que, par exemple, vous aviez, pour ne pas le citer, Léo Lagrange qui était un club ou une espèce d'association qui est censée promouvoir l'éducation populaire. Ensuite, il y a d'autres organisations aussi. Il y a les Vacances pour tous, la AFOL, les Jeunes Laïcs de l'enseignement. Et vous avez aussi dans le Code du travail, après. Je pense que c'était après 68, dans les années 70, quand on a créé la formation permanente avec le financement par le 1% de formation, les comités d'entreprise, et que ces formations-là étaient censées promouvoir l'épanouissement des salariés sur leur temps de travail pour aller se former à ce qui était l'éducation populaire. Il y avait même des congés qu'on appelle congés jeunesse. Il y a les congés ouvrières et jeunesse, à peu près 21 jours par an. Et il y a aussi la formation économique, sociale et syndicale, qui était censée apprendre l'économie politique justement, apprendre aux ouvriers, aux jeunes travailleurs, qu'est-ce que c'est qu'une entreprise, qu'est-ce que c'est que le profit, qu'est-ce que c'est que la plus-value, qu'est-ce que c'est que l'exploitation capitaliste. Et bien tout ça, malheureusement, depuis les années 80, depuis les années 80, vous savez bien, très bien pourquoi. Hein. Voilà. Depuis l'arrivée notamment de la gauche, un peu avant même. Socialiste, faut pas confondre gauche socialiste. Oui, enfin. Pas d'amalgame. Oui, le gouvernement, je veux dire. Voilà. Vous savez quand même commencé même un peu avant avec Seguin, qui était ministre du Travail, il me semble, et qui avait réformé pas mal la formation permanente, la formation continue. Et la formation des chômeurs également. Donc c'est cet esprit-là qu'il faudrait reprendre, il faudrait s'en emparer pour le remettre à sa juste place. Parce qu'aujourd'hui, toutes les entreprises, tous les plans de formation dans les entreprises, eh ben, ils sont devenus des instruments de domination des salariés. Et dès qu'un salarié demande une formation individuelle, eh ben, il l'a pas. Il l'a pas, elle est refusée. Et on favorise tout ce qui est formation collective, entre guillemets, qui sont dispensées par des organismes de formation, parfois par les syndicats d'entreprise, des syndicats de l'employeur. Moi, je travaille dans le secteur sanitaire et social, médico-social. Eh bien, mon employeur était adhérent à la FEGAPEI. La FEGAPEI, c'est un syndicat du travail social qui est affilié, qui est l'émanation de l'APEI, c'est-à-dire l'association des parents et des enfants inadaptés. En gros, c'est aussi il y a un détournement qui était à l'origine des parents d'enfants inadaptés, handicapés, qui est devenu un système, une entreprise, un syndicat d'employeurs avec des directeurs qui font du chiffre, qui font de la rentabilité, qui font de la, comme les hôpitaux, qui font pratiquement la T2A, comme dans les hôpitaux, c'est-à-dire être productif et être rentable. Et donc toute la formation professionnelle dans le cadre du plan de formation qui est financé normalement sur le salaire socialisé et qui était de l'ordre de 1%, elle a été baissée. Cette formation de 1% a été baissée à 0,65 ou 0,75 et qui ne correspond aujourd'hui qu'à des formations décidées par l'employeur et par son syndicat éventuellement. Ça, c'est une façon aussi de financer les syndicats d'employeurs par la formation qu'ils viennent dispenser aux salariés et pour mieux les soumettre. Voilà, donc pour ce que je sais de la formation permanente dans le secteur sanitaire et social, mais il n'en est pas pareil dans le secteur de l'industrie, de la sidérurgie ou de tout ce que vous voulez. Merci. Merci. Est-ce que quelqu'un veut intervenir? Je rappelle, c'est l'atelier EducPop, on parle des questions d'éducation dans la société qu'on veut. C'est-à-dire, je peux vous relire quelque chose. Alors, on a parlé de la gratuité. Comment assurer l'éducation soit gratuite? Je pense que, bon, voilà, après, ça, c'est une question vraiment économique. On a parlé de favoriser le dialogue enfant-adulte avec notamment avec les plateformes virtuelles, les MOOC, qui déplacent la relation à l'autorité. L'être ensemble sans forcément avoir recours, qui permet d'être ensemble sans avoir recours à l'autorité. Donc il y a la question de l'autorité, question de la gratuité, mettre en place, intégrer ceci, cela. Quelqu'un veut intervenir? Oui. Il y a un éducateur qui est instituteur ou prof, je ne sais pas exactement, enfin enseignant, dans une école à Marseille, d'un quartier populaire qui est présenté comme un quartier à problème, hein, vous savez, l'habitude, hein, là où les gens ne trouvent plus de travail parce qu'ils s'appellent Mamadou, Mohamed ou Leïla, on appelle ça des quartiers à problème, des zones urbaines sensibles. Hein, voilà. Alors lui, il s'appelle Pascal Ponce, P-O-N-S. Et je vous recommande son petit livre, c'est dommage, je ne l'ai pas amené, un petit livre comme ça, qui coûte 8 euros. Et il s'appelle, écoutez bien, le mépris de classe. Mais c'est pas le mépris des classes sociales, c'est le mépris dont notre système accuse, affable, les classes où il y a des enfants de prolo. C'est-à-dire les classes populaires, les classes défavorisées, les classes où les profs sont jamais remplacés quand ils sont absents, les classes où pendant 6 mois il peut y avoir un prof absent, les classes qui sont surchargées, les classes où les mômes, ben, des fois ils laissent tomber parce qu'ils sont obligés d'aller travailler ou dealer, peu importe d'ailleurs, mais pour faire vivre leur famille, parce que leur famille en général, c'est les premiers qui ont perdu leur boulot quand les usines ont fermé. On avait construit la HLM pour eux au moment où on avait besoin d'eux dans les usines. Maintenant, les usines, elles sont parties en Chine. Les gosses, on n'en a plus besoin, on appelle ça des surnuméraires. Ils n'ont pas la place dans cette économie-là. Et donc, Pascal Ponce, c'est génial, il explique comment ça se passe dans ces écoles qui n'ont pas les moyens qu'elles devraient avoir, qui sont considérées vraiment comme des dépotoirs, Ce livre est magnifique parce qu'il explique comment, c'est là que je voulais en venir, comment les enseignants, en s'associant aux familles, eh ben, ils ont créé des résistances, ils ont créé des choses assez belles. Et j'en viens du coup à ma commune, à Champigny-sur-Marne. Il y a par exemple des militants associatifs africains, maghrébins, dont les enfants à l'école subissent beaucoup de manque de profs, classes surchargées, mauvaises notes parce que les parents ne sont jamais là quand ils rentrent le soir. Les parents, quand ils travaillent, c'est dans le nettoyage, ils rentrent à 10h du soir, hein. Ils partent à 4h du matin, ils rentrent à 8h ou 9h le matin, ils ne sont pas là pour lever les enfants, et pareil le soir. Hein. Pour ceux qui ont encore un boulot, c'est souvent des boulots comme ça. Donc les gosses, ils sont pas mal livrés à eux-mêmes. Alors Pascal Ponce vous recommande son petit livre, Le mépris de classe. Et du coup, j'en viens à ce qui s'est passé et ce qui se passe ailleurs. Hein, et que raconte Pascal Ponce pour des quartiers où il y a des écoles, la Castellane, je crois, enfin je ne connais pas bien Marseille, des quartiers défavorisés. Et bien dans Champigny, ma commune, 80 000 habitants, 4 zones urbaines sensibles, il y a des parents, des militants associatifs qui ont fait des jonctions avec les instituteurs, les enseignants, parce qu'ils ont dit qu'ils allaient prendre de front le problème où leurs gosses sont stigmatisés. Alors on dit que leurs gosses, ils ne sont pas obéissants, ils sont turbulents, ils sont insolents. Oui, il y a parfois des enfants qui réagissent à la violence qu'ils subissent en étant eux-mêmes pas très disciplinés. Ben oui, c'est une façon de survivre aussi. Et donc, ils ont créé des liens géniaux entre les parents et les enseignants, et du coup ils ont aussi eu une action en direction des élèves, et ça n'importe où on peut le faire, c'est-à-dire refuser les clivages, les frontières, refuser que nos enfants de classe populaire soient catalogués dès tout petits, parce que l'école elle est devenue une usine à classement, une usine à notation. Je veux dire que c'est terrible de voir dès les petites classes qu'on apprend aux enfants à être concurrents les uns des autres, comme on va les vouloir être sur le marché du travail. Maintenant, dans la plupart des boulots, vous gardez votre place à la limite que si vous vous battez contre vos collègues. Déjà qu'on a supprimé tous les endroits où, dans les boulots, on pouvait se parler autour de la machine à café, des pauses, il n'y a plus de pauses, il n'y a plus de machine à café. Mais bien pire, comme vous savez qu'ils vont dégraisser, à la limite, votre collègue, eh ben, c'est votre prochain concurrent, il faut que vous soyez meilleur que lui pour rester, que ce soit lui qui soit licencié ou qui soit mis en départ soi-disant volontaire. Donc tout petit, les gosses, on leur apprend ça. On leur apprend à être en concurrence les uns les autres par des systèmes de notation. Mais pourquoi? Vous avez des tas de... Il y en a encore, hein. Il y a des... Comment ça s'appelle? Tu le sais, toi. Des écoles, il y en a à Paris. Moi, mon fils, je l'avais envoyé d'ailleurs là-dedans. Des écoles, comment ça s'appelle, autogérées. Il y en a une. Hein? Voilà, il y en a un. J'avais même envoyé mon fils. Ça ne l'a pas empêché de lâcher, mais il a trouvé que c'était très bien. Et il y en a aussi dans d'autres régions en France vers Nantes qui ont été créées par le frère de quelqu'un de très connu, ça y est, le nom m'échappe, mais enfin. Donc, nous. Gabriel Cohn-Bendit. Oui. Cohn-Bendit ? Le frère de Daniel Cohn-Bendit ? Oui, oui. Beaucoup mieux que son frère, il a mieux évolué. Et donc on a dans les mains des capacités d'agir pour empêcher que nos enfants soient catalogués tout petits, parce que l'échec scolaire, il est produit aussi. C'est des enfants qui ne sont pas plus bêtes que les autres, loin de là. Mais comme ils sont dans des problèmes terribles quotidiens, avec des parents qui crèvent la dalle, ou alors des parents qui rentrent à 10h du soir de leur métier de gardiennage ou de nettoyage, eh bien les mômes, ils ont toutes les difficultés. Donc au lieu de les aider, on les enferme dans une stigmatisation qui va leur rester collée quasiment tout le temps, quand ils vont chercher du travail. Ah ouais, toi t'as pas ton bac, ah oui, toi t'as fait des mauvaises études, toi, voilà. Donc en fait, c'est des compétences qu'on perd, c'est des capacités humaines qu'on perd, c'est un gâchis, c'est un vrai gâchis. Essayons de pas rentrer dans ce jeu, essayons de monter des alternatives, hein, y en a, donc c'est dans nos mains, voilà, faut essayer. Merci. Est-ce que quelqu'un veut intervenir? Si vous voulez intervenir, voilà, vous me faites un petit signe de main et je vous passe le micro. j'étais assez intéressé par plusieurs trucs qui ont été dit, alors je vais un petit peu développer mon point de vue et ça va revenir tout seul. Par exemple sur les lycées autogérés et sur quelque chose que qui apprennent, je pense, quelque chose que l'école aujourd'hui n'apprend pas du tout aux élèves, c'est la responsabilité. C'est-à-dire que l'école aujourd'hui, la mission qu'elle se donne, c'est plutôt de transmettre des compétences seulement et effectivement de préparer les gens, comme tu disais, au marché du travail, à être des bons travailleurs qui ont des bonnes compétences, qui sont prêts à vendre, mais surtout pas qui réfléchissent par eux-mêmes à comment est-ce qu'ils vont utiliser ces compétences. On n'est pas du tout amené à ça, on n'est pas du tout amené non plus à nous poser les questions de résoudre des problèmes qu'on voit. On est vraiment amené à présenter une fiche de compétences et à dire, bah voilà, qui en veut de ma fiche de compétences? À personne, bon, bah alors faut que je fasse une nouvelle formation pour élargir ma fiche de compétences. Et c'est ça aujourd'hui la mission que se donne l'école, et c'est ça qui est terrible. C'est qu'on n'est plus du tout sur des systèmes comme on a pu l'avoir, par exemple, avec aussi l'initiative de l'Université de Vincennes ou les lycées autogérés, des initiatives qui cherchent plutôt à former des esprits critiques qui vont avoir. Qui vont ensuite utiliser leurs compétences pour faire quelque chose qui leur plaît. Et je pense que c'est ça qu'il faut essayer vraiment de rétablir, pas forcément au sein de l'école de l'éducation nationale, peut-être au sein d'autres initiatives, comme ici à EducPop, de se donner les moyens de penser, de se donner aussi, d'avoir la volonté un petit peu de l'esprit critique, et aussi, donc je reviens sur moi quelque chose qui m'a l'air essentiel, la question de la responsabilité. C'est-à-dire que c'est. Si on parle d'un problème aujourd'hui, on parle de l'éducation, et ben c'est notre problème, voilà. C'est notre problème de la journée, très bien. Et c'est un problème, et on se dit pas que c'est le problème d'autres gens qui devraient le régler, et on râle parce que c'est mal foutu. On essaye vraiment de penser les solutions, et de se dire qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux dans notre petit coin, à petite échelle, essayer un petit peu de construire des petites solutions qui commencent à faire des trucs, qui donnent des idées aux gens, qui après vont pouvoir se généraliser. Et pas toujours d'attendre qu'il y ait des grandes solutions qui viennent d'en haut, et qui nous change l'institution de l'éducation nationale. Ils ont essayé des dizaines de réformes de l'éducation nationale, de fond en comble, qui allaient tout révolutionner à l'école, et où maintenant on se dit c'est les enfants qui apprennent par eux-mêmes, qui font le cours et tout. Mais tout ça ne change rien, parce que la volonté c'est toujours la même, c'est cette fiche de compétences. Et je pense que vraiment il faut qu'on se pose la question de la responsabilité. Moi il y a un type d'école comme ça, d'ailleurs ça me fait penser à ça, c'est qui n'existent pas trop, mais quand même il y en a quelques-unes. C'est des écoles primaires à classe unique. Alors le problème, c'est que sur les effectifs. Et ça, c'est un truc hyper intéressant parce que c'est les écoles où, du coup, les plus vieux, quand même, quand on a quelqu'un qui est en CM1, CM2, par rapport à un CP, CE1, il a un sacré bagage. Et du coup, il peut apprendre déjà plein de choses aux plus jeunes. Il peut apprendre plein de choses aux plus jeunes et ils apprennent cette responsabilité de transmettre le savoir parce que c'est comme ça qu'eux-mêmes l'ont appris. De la façon, et de s'occuper aussi des plus jeunes. Et je pense que c'est cette question-là un petit peu qu'on. Si on garde cette question de la responsabilité à l'esprit, on peut avoir la volonté un peu de changer des petits trucs par soi-même sans attendre que les solutions viennent d'en haut. Voilà, je pense que c'est ce que je voulais dire. S'il y a quelqu'un qui veut enchaîner là-dessus. Oui. Si, voilà, vous me faites un petit signe de la main si vous voulez intervenir. Oui, je pensais, avant que tu dises ça, mais finalement ça s'enchaîne pas mal. Favoriser l'autofinancement aussi dans les écoles, enfin on sait pas comment on les appellera du coup, mais dans ces établissements-là. Donc pas dans le sens pour faire de bons produits économiques qui sont entrés dans le système, mais justement pour apprendre l'autogestion et la responsabilité et savoir ce que tu manges, d'où est-ce que ça vient, enfin ça passe par là l'éducation aussi. C'est plutôt ça passe aussi par l'éducation. Donc l'autofinancement, mais aussi dans les projets, bah voilà, s'il y a un projet qui est voté, qui serait, je sais pas, d'envoyer 300 des élèves à la mer, enfin bon, je prends vraiment l'exemple comme ça, et bah comment est-ce qu'on va pouvoir le financer? Et là, développer la créativité, c'est pas dire, alors voilà comment est-ce qu'on peut le financer, il y a trois choses possibles, bon, toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça, non, qu'est-ce que vous imaginez comme possibilité de le financer? Et je suis sûr que là, et justement c'est là où ça a un enjeu derrière par rapport à la sphère économique, c'est qu'en fait, en créant sa propre capacité de financer un projet et de le mettre en place, non seulement c'est un engagement, il y a le rapport à la responsabilité, mais en plus, ça donne de nouveaux rapports économiques et de nouveaux rapports entre les personnes. Et l'autre truc que je voulais dire, si je reviens un peu en arrière, sur la communication. Pour que tous ces changements-là se mettent en place, l'importance de le communiquer aux adultes. En fait, actuellement, ce qui pose le plus, enfin, c'est pas ce qui pose le plus de problèmes, c'est ce qui fait que tous les problèmes ne bougent pas, surtout, c'est que personne ne croit que c'est possible. Très souvent, on dit, oui, on pourrait faire ça, ça, ça, mais enfin non, voyons, arrête de rêver, tu crois quoi, ça fonctionne comme ça, c'est pas toi qui décides. Donc si on... Moi, je suis tout à fait d'accord avec le fait de développer une presque une théorie critique et pratique de l'éducation, en montrant en plus que dans certains endroits, ça marche, ça fonctionne, il faut quand même qu'il y ait une idée derrière, donc une idée, c'est-à-dire quelque chose... J'utilise le mot idéologie, hein, c'est pas un gros mot, idéologie, non plus, à la base. Mais il y a une idéologie derrière, c'est-à-dire que ça... Il y a une certaine recherche, justement, de bien-être, d'un autre rapport entre les personnes, d'un autre rapport, d'une forme qui soit différente de la forme hiérarchique qu'on connaît. Donc, il y a quelque chose à développer au niveau théorique, et il y aura certainement, bon, ça, j'aime pas du tout le terme, mais je vais le prendre quand même, des expérimentations à mettre en place, parce que peut-être qu'aussi, ça, ça va pas fonctionner tout de suite, c'est sûr. Avant que les mentalités changent, il va falloir donc déjà une communication énorme auprès des adultes. Ensuite, plusieurs formes d'expérimentation. Et ensuite, petit à petit, que ça se mette en place presque tout seul. Mais ça va se transformer tout seul à condition que la communication soit efficace et qu'il y ait une certaine volonté là-dedans. Mais pour qu'il y ait volonté, là je parle même pas de volonté politique, hein, je m'adresse pas aux dirigeants. Mais pour qu'il y ait une volonté de la part des personnes, tout simplement, pour le mettre en place, il faut y croire. Et donc, peut-être qu'un des boulots principaux, c'est de montrer aux personnes que c'est possible, qu'on peut y croire, et à partir de ce moment-là, il y a une certaine forme d'engagement qui peut se mettre en place. Parce que, en fait, c'est comme pour l'occupation des... Comme tu en parlais tout à l'heure, mais c'est simple, hein, c'est que si t'es 100, bah non, ça marche pas. Par contre, s'il y a 10 000 personnes qui occupent un même lieu, bah il y a un moment, ça va durer plus longtemps. Tu veux rebondir un peu sur ce qu'elle vient de dire, rapidement? Oui, excusez-moi. D'accord, tout le monde entend. Donc, pour revenir par rapport aux universités qui vont fusionner, on compte vraiment reprendre à la rentrée parce que du coup, ça s'enchaînait très très vite, mais on a réussi quand même à faire quelques petits trucs. C'est-à-dire que il y avait aussi la loi des masters qui était mise en place. Il y avait en fait une réunion qui devait avoir lieu à Nanterre, à l'université de Nanterre. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de mobiliser un max de monde sur le campus le jour même, le jour où la réunion devait avoir lieu, du coup, pour voter la loi master dans cette université. Donc c'est une loi qui va sélectionner de plus en plus, enfin, ça va limiter les capacités d'accueil dans tel ou tel master. Et du coup, ça vise à la concurrence et entre les élèves, du coup, pour avoir sa place dans le master aussi. Et du coup, on s'est mobilisé le jour même et on a réussi à bloquer le CA, donc le conseil d'administration qui devait voter cette loi dans cette université. Et c'était super cool parce que les gens, du coup, ils étaient très réactifs. Donc oui, carrément, si on y croit, c'est possible. Donc ce jour-là, on a réussi à reporter cette réunion-là. Cette réunion a été reportée ce jour-là. Malheureusement, ça n'a pas subi. Bon, on a essayé de remettre ça, mais ils ont quand même dû faire cette réunion. Donc la loi a été adoptée, mais c'est pour dire que c'était déjà un bon petit pas qu'on a réussi à reporter une telle réunion. Et c'était pas mal. Et du coup, je voulais aussi revenir sur... comment dire, deux, trois trucs sur lesquels je vais revenir. Je vais tout simplement parler d'un petit truc. C'est que j'étais dans un lycée classé ZEP, donc c'est une zone d'éducation prioritaire. Et justement, en fait, ils voulaient nous retirer cette aide qui... Ils voulaient nous retirer cette aide qui fait que, en fait, le lycée tourne, fonctionne correctement parce qu'il y a des... comment dire, c'est des aides du genre l'aide de devoir, enfin, du 17h à 18h dans le lycée. Des petits financements qui aident à financer des voyages, des choses de ce genre-là. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est que, ce qu'ils voulaient, c'est que c'était de nous retirer cette aide, du coup. Et ce que les profs ont proposé, c'était de commencer à discuter là-dessus. Et il y a eu des lancements qui ont été prévus, donc il y a eu des grèves de la part des professeurs qui ont été lancés. Et on s'est mobilisés. Le lycée compte à peu près 1500 personnes, il y avait à peu près 1400 personnes qui sont mobilisées. Et ce qu'on a réussi à faire, c'était d'aller jusqu'à la préfecture d'Évry dans l'Essonne. Et du coup, c'était de contester ce qu'il comptait faire dans le lycée. Et on a gagné et on a réussi à garder cette dette qui est super importante. Et c'était super, super, super cool. Donc voilà, c'est pour vous dire que tout est possible, c'était pour revenir là-dessus. Moi, ça me fait penser à plusieurs choses, à ce qui a été dit. Alors, la question que je me pose, c'est dans la critique et puis la transformation du système éducatif tel qu'il domine, c'est-à-dire l'éducation nationale, en gros, et puis le système universitaire et autres, je me pose la question, est-ce que il s'agirait pas de, d'une part, de faire des occupations, d'occuper les facs, mais pas occuper les facs de manière ultra-agressive ou quoi que ce soit, mais occuper les facs pour, avec un projet pédagogique, éducatif, ou avec un vrai projet qui s'intégrerait dans la fac. Et en même temps, ne pas concentrer toutes les forces et toute la réflexion, l'action et autres sur ces simples occupations, sur ces simples lieux, c'est-à-dire sur les lieux du système éducatif, c'est-à-dire les écoles, les parents qui prennent en main les écoles, les étudiants qui prennent en main les facs, mais que aussi il se passe des choses à côté. Alors je prends par exemple l'exemple d'ici, et que justement on établisse des circulations entre justement les lieux occupés des facs et des lieux tiers, et que les deux se nourrissent et qu'on prenne un petit peu en étau en fait le système le système éducatif. C'est la question que je me pose. Est-ce que c'est pas une piste développer une sorte de double stratégie? Si, c'est une piste, bravo. Et ensuite sur la question de y croire, j'ai envie de dire oui, c'est évident. C'est nécessaire. Il faut absolument développer une analyse, et je pense que c'est très important, développer une analyse qui fasse que, rationnellement, à la base, les gens, le plus grand nombre, puissent se dire oui, ça peut marcher, oui, on peut y arriver. Et ça, je peux vous donner un exemple, c'est une lutte que j'ai menée en 2006 contre le CPE. Et c'était excellent parce que le gouvernement avait réussi à faire la connerie de lancer son truc de CPE, un nouveau contrat, une destruction c'est une pré-loi travail, avec le contrat première embauche, c'est-à-dire les jeunes, ils n'auront pas un CDD, un CDI, ils auront un CPE, et ce sera plus souple, tatati, tatata, enfin, et puis ça rentrait dans le cadre de toute une loi, en fait, avec plein de choses. Alors nous, évidemment, on demandait le retrait de la loi totale, de retrait total de toute la loi. Mais le CPE, il y avait une chose simple qu'ils avaient mise. C'était période d'essai de 2 ans sur le contrat. C'est-à-dire que tu t'es employé contrat CPE, ta période d'essai, bon, pour les petits boulots qu'on fait, la période d'essai, c'est quoi? C'est une semaine, 2 semaines, enfin le temps de voir que l'employeur voit que tu fais du bon boulot. Là, c'était 2 ans. C'est-à-dire, en fait, avec ce contrat-là, on a servicé la jeunesse. La jeunesse devenait ne bosser que dans un cadre de période d'essai. C'était le contrat période d'essai. C'est-à-dire à tout moment l'employeur, il te dégage quand il veut. Ça, quand on a vu ça, et on s'est dit c'est très simple, on a juste à le répéter à tout le monde et on va gagner. Et en fait, rien que ce truc très simple, ben moi je vous dis, c'est comme ça que je l'ai perçu et c'est comme ça que j'ai pratiqué la lutte. Je me suis impliqué en me disant, on va gagner. Parce que ce truc-là, on a un argument, on a on peut développer. Alors après, on est parti sur... on s'est dit, en fait, à la base, on va gagner. Sur le CPE, ils le retireront parce que c'est pas possible ce qu'ils ont fait. Et on a développé tout un arsenal critique là-dessus. Et après, ça nous a permis d'engager la lutte sur la loi et puis pour remettre en cause, faire nuit debout, un peu avant nuit debout, c'est-à-dire on met à plat le système, on fait des manifs sauvages et tout ce que vous voulez. Et donc, l'important, c'est, je pense, dans tout ce qu'on fait, c'est développer les outils critiques qui réussissent à distiller des formules, des choses simples qui parlent aux gens. Et qui permet ensuite, tu vas voir les gens quand tu veux bloquer une fac, quand tu veux débrayer et autres, tout est dans le dialogue, tout est dans l'idéologie. Tu déboules dans un amphi, tu dis il n'y a plus de cours, on débraye, machin. Mais c'est très dur, c'est très subtil, il faut réussir. Il ne s'agit pas d'impressionner le prof et lui dire ouais, c'est ça, on n'est pas légitime, vieux con, sale prof, casse-toi, laisse-nous l'amphi. Non, c'est réussir à développer un discours de sorte à ce que le prof, évidemment, ça peut être un vieux réa qui va dégager, mais à ce que les étudiants dans l'amphi restent. Et nous, en 2006, on a débrayé des amphis de gestion, Et les mecs, ils restaient et on les faisait venir aux manifs. Parce que on avait les outils critiques. Mais là, j'ai envie de dire merci le gouvernement parce que c'était fou ce qu'ils avaient mis en place. C'était facile. Mais voilà. Mais je pense qu'il faut réussir à développer ces choses simples qui permettent à tous de voilà d'y croire. Enfin, c'est... Quelqu'un va intervenir? J'ai un peu raté la conclusion. C'est Adèle qui a des propositions simples, là, c'était clair, là. Ouais, moi je... On a fait la réunion, déjà. Voilà, on est toujours sur l'éducation, sur comment améliorer le système, ou tout simplement changer, aller vers un système éducatif qui nous conviendrait. Oui. Pour réagir assez rapidement, en fait, sur ce que tu as dit, je pense qu'il y a aussi là-dedans, c'est... De toute façon, il faut passer par là. C'est-à-dire utiliser les codes de l'ennemi pour pouvoir retourner la chose. Et là, typiquement, voilà, de parler de période d'embauche, de période d'essai sur 2 ans, c'est des choses qui parlent aux gens parce que, un, ça touche leur quotidien, et deux, c'est le langage médiatique, c'est le langage utilisé. Donc en effet, si on part tout de suite sur un langage plus utopique, en disant « mais si, enfin ça c'est possible, voilà, on va changer le monde comme ça », non, il faut en effet passer par une première étape qui est reprendre les formules habituelles, médiatique certainement aussi, utiliser ce langage pour le renverser et le mettre en porte-à-faux. Et donc c'est un petit peu ce que tu dis dans ton exemple. Voilà. Bon, je me demandais, on reste encore quoi, 5-10 minutes? Comment? Après il reste du temps, mais... Une assemblée, bon. C'est quoi après, si ça nous intéresse? Tu veux intervenir? Non, après on a une intervention d'Evelyne et après on fait une assemblée de lutte. Donc je prends les dernières interventions et puis on passe à l'intervention d'Evelyne. Oui. Non, moi je voulais, du coup, quand j'ai entendu le mot ZEP, je voulais juste faire un petit coucou amical au collectif Touche pas à ma ZEP. Je sais pas si vous avez... Voilà, on a des copains qui sont dans ce collectif de Touche pas à ma ZEP, qui sont venus nous en parler, notamment à l'anniversaire de ND avec tous les collectifs, qui sont très actifs par rapport à ça. Et moi, pour être issu d'une région où il y a des ZEP, je connais aussi cette problématique. Et pour connaître des profs qui forcément se mouillent sur le terrain et se battent, c'est très très important pour eux. Parce que bah oui, parfois les gamins ils habitent à 20 minutes de Notre-Dame de Paris mais ou de la Tour Eiffel et ils les ont jamais vus. Et rien que de permettre de faire une sortie pédagogique pour aller voir Notre-Dame de Paris et faire un parcours fléché avec des enfants, c'est extraordinaire pour eux. Et alors c'est peut-être cliché pour certains, mais eux ils vont acheter leur petit machin souvenir de Paris à 5€ et ça va leur marquer à vie. Et voilà, rien que pour des choses comme ça qui sont très bêtes, très humaines, c'est très très important. Et encore, voilà, parce que bah, ils ont, malheureusement, il n'y a pas forcément les moyens de le faire autrement que par, le système, en tout cas national, et le système de la ZEP, entre guillemets. Du coup, ouais, je vais pas rouvrir d'autres portes parce qu'on n'a pas trop de temps derrière, mais voilà, je voulais faire ce coucou amical en tout cas. Après, je sais pas si c'est une bonne idée parce que c'était déjà un petit peu éloigné du sujet, mais tu parlais tout à l'heure de... Enfin, éloigné pas tant que ça, mais moi je vais m'éloigner encore un peu plus. Parce que tu parlais d'occupation de fac, plutôt de fac, j'ai l'impression, que de lycée ou tout comme ça. Et sur les occupations de fac, t'avais l'air de dire, ok, les élèves peuvent reprendre un peu le coup. L'éducation en main, discuter ensemble et s'organiser ensemble sur des questions qui peuvent être, disons, plus directes, plus pratiques. Et en fait, moi je pense que c'est assez important, en général, d'essayer de se débrouiller pour que le prof reste. Dans le sens où aujourd'hui, c'est aussi un truc, surtout à la fac, où il y a une fracture entre les profs, qui sont généralement des chercheurs, qui sont complètement exploités, et les étudiants, qui sont en train de se préparer à leur exploitation et qui se révoltent contre cette exploitation qui les attend. Et je pense que cette fracture, c'est un des trucs qui nous affaiblit beaucoup. Et justement, en fait, on a pu constater que dans de nombreux cas, quand il y a occupation, pendant des grosses grèves, pendant le printemps dernier, par exemple, il y a ce dialogue qui se rétablit tout à coup entre ces gens qui sentent, qui partagent en fait un peu la même chose. mais souvent, mais tu vois là quand tu dis ça, parce que c'est vrai qu'on parle, tu parles du CPE qui est une loi pour les jeunes, enfin qui concerne plutôt la jeunesse et tout, on va se sentir plutôt comme un bloc la jeunesse et à devoir revendiquer face à l'autorité incarnée par les profs le droit d'avoir une salle. Et du coup de l'empêcher de faire cours et de lui dire sinon dégage au pire, nous on fait le cours nous-mêmes. Je pense que le truc plus intéressant c'est on garde le prof mais on choisit le sujet du cours. Et lui il est plus là pour aider au bon déroulé de la séance et aussi pour partager. Mais aussi pour partager parce qu'il a un lien avec tout ça. Voilà, il faut garder à l'esprit que... faut pas se cloisonner en gros, et que souvent on est juste plein d'exploités tous chacun à côté, et malheureusement on peut traiter qu'une question à la fois. Typiquement là quand tu parles du CPE, voilà, on traite d'une question qui va pas concerner un gars qui a déjà son poste de prof à l'université, il aura pas de contrat de première embauche lui, donc il s'en fout, et c'est pas pour ça qu'il doit être exclu du dialogue. Peut-être qu'il va avoir plus de mal à se bouger, d'accord, mais je pense qu'essayer de toujours avoir une démarche très inclusive comme ça, surtout dans des milieux comme la fac où c'est censé être un lieu de travail, mais aussi un peu un lieu de vie quand même, et qui est partagé, qui devrait être partagé par tous les gens qui y travaillent, c'est-à-dire les étudiants, les profs, mais aussi tout le personnel de la fac, parce qu'une fac, ça ne tourne pas juste avec des étudiants et des profs. Et quand ouais, on a tendance à un petit peu trop se cloisonner là-dessus, et que les moments d'occupation, il faut aussi les percevoir comme ces moments-là, où ce genre d'unité peut réapparaître. Alors que sinon, le reste du temps, c'est quasiment impossible à faire, en fait. Alors, je réponds juste. Merci pour ta précision. Hein. Je donnais juste un exemple, extrême. On a évidemment il y a des profs qui sont des réacs et qui sont extrêmement violents vis-à-vis des étudiants qui cherchaient à débrayer. Je parlais de ça. Après, on a eu beaucoup de profs qui ont justement participé au mouvement et qui ont permis de développer la réflexion qui était limitée à nous les jeunes, le CPE, sur une réflexion sur le travail, sur la société, l'économie, le capitalisme. Et il y a des cours alternatifs qui ont commencé à se mettre en place, mais c'est vrai que la dynamique n'a pas été très très bonne, et je crois que ça a été bien mieux en fait, ce sont des choses qui se mettent beaucoup mieux en place ces dernières années quand il y a des mouvements dans les facs. Oui, tout à l'heure on parlait du mot d'enseignant. Au lieu d'enseignant, professeur, éducateur, élève, on pourrait appeler les endroits où on va apprendre des lieux d'activité ouvertes, au lieu d'activité ludique. Alors je pense qu'on va passer. On va passer à l'autre, à l'intervention. Donc merci beaucoup. Donc c'était l'atelier EducPop. Quelle société veut-on ? Donc on est EducPop. On est tous les week-ends sur la place de la République. Et vous pouvez retrouver toutes les informations là. Tout ce qui passe par la sono, c'est enregistré, c'est mis sur notre site educpopdebout.org que vous pouvez réécouter, et puis on met des documents et vous pouvez commenter, vous pouvez partager, c'est sur Twitter, c'est sur Facebook et c'est partout, ça fait trois fois le tour du monde. On a aussi tout notre matos qui vieillit un peu, donc on va faire tourner une petite boîte à dons si vous avez une petite pièce ou deux pour nous soutenir, pour qu'on puisse continuer, garder la foi, continuer d'y croire aussi, et avoir du bon matériel qui marche. C'est Sylvain qui a la boîte. Ouais. Voilà, donc on fait tourner la boîte à dons, on vous remercie, et on vous dit pour l'atelier à la semaine prochaine. Et là, je vais passer la parole à Evelyne qui va nous parler de comment on apprend leurs droits aux gens. Je ne sais pas qui va faire la modération, mais je laisse dès à présent la parole à Evelyne. Parce qu'en fait, c'est un peu le même sujet. Vous avez des gens qui connaissent leurs droits, ou alors qui n'ont pas besoin de les exercer parce qu'ils sont blindés de thunes, ils ont une famille riche, leur arrive pas trop de problèmes, quoi. Et vous avez des tas de gens en France qui ne connaissent pas leurs droits parce qu'on leur a pas appris à l'école, justement, c'est important. Ou alors on leur a pas appris ailleurs que dans l'école. Et donc je vais vous parler de trois façons par lesquelles moi et les associations dans lesquelles je suis, on apprend leurs droits aux gens, on leur apprend à les exercer. Et je vais prendre trois exemples où les gens ne connaissent pas bien leurs droits. Du coup, ils se laissent refuser des droits qu'ils ont parce qu'ils ne les connaissent pas.